Chapitre 6. On retrouve les jeunes filles. Non, ce grand singe habillé en homme et portant monocle comme Balao, ce n'était pas Balao. Quelques heures plus tard, on savait que c'était Gabriel, le grand chimpanzé oriental de Java, du jardin des plantes. Comme il avait déjà fait maintes farces et qu'à plusieurs reprises il s'était montré d'une certaine humeur farouche, on eût tôt expliqué sa formidable incartade. Il avait profité, le premier, de la négligence soulographique du gardien, habitué du père Lunette, et avait pris ainsi la clé des toits. Fallait-il s'étonner qu'avec son instinct irrésistible d'imitation et d'assimilation, il eût chipé un complet pour s'en vêtir? Non, à ce point de vue, il ne faut s'étonner de rien chez les singes. La cage de Gabriel au jardin des plantes était double, comme beaucoup d'autres cages, avec une chambre grillée en plein air et une autre chambre grillée à l'intérieur de la ménagerie. On avait accoutumé de laisser la porte de communication de Gabriel ouverte, de telle sorte que le prisonnier pût, selon l'heure ou la température, aller chercher l'ombre ou le soleil. Comme le gardien ou le visiteur ne peut voir qu'une seule chambre à la fois, chacun avait dû croire Gabriel dans la seconde quand il regardait la première, et vice-versa. Ainsi s'expliquait encore que Gabriel eût pu, pendant des jours et des nuits, courir les toits de la capitale et épouvanter la ville de ses sinistres exploits sans que son absence fût signalée à la ménagerie du muséum. Mais alors, que devenait en tout ceci le fameux anthropopithèque, le monstre mi-homme mi-bête qui parlait le langage des hommes? Que devenait l'invention de Coriolis? On était trop heureux à la préfecture d'être débarrassé d'un monstre pour s'embarrasser d'un autre. On déclara, sans plus tarder, que l'invention de Coriolis était une imagination de ce cerveau malade. On traita le professeur comme un monomane, et on le pria de retourner enfermer sa monomanie dans son hôtel de la rue de Jussieu, tout en restant à la disposition de la justice. La journée qui vit la délivrance de Paris vit aussi celle des jeunes filles collectionnées. Toutes celles qui avaient été volées par le chimpanzé furent retrouvées par le plus grand des hasards et au moment où on désespérait de savoir jamais ce que Gabriel avait pu en faire. Elles furent toutes retrouvées saines et sauves dans une salle du musée de la marine, où leur étrange ravisseur les avait enfermées après les y avoir amenées par les toits. C'était la curiosité scientifique et navale d'un monsieur Benezec, précepteur dans une petite commune des environs de Montauban, que ces jeunes filles doivent la vie, car, au fond de ce grenier lointain, elles seraient toutes mortes de faim et de soif, si, poussées par le désir de voir des bateaux, monsieur Benezec n'était monté dans les combles de notre vieil illustre palais, où des coups sourds l'avaient averti qu'on appelait à l'aide, coups frappés contre une porte que l'on peut voir encore aujourd'hui, avant 4 heures le lundi, le mercredi et le dimanche, à côté de la galère du XIIIe siècle. Le professeur Coriolis rentrait en son hôtel de la rue de Jussieu quand une édition du soir de La Patrie en danger vint lui apprendre l'heureuse délivrance des victimes de la fantaisie diabolique de Gabriel. Et il ne fut pas étonné de ne point découvrir parmi les noms de ces jeunes filles celui de Madeleine. Il savait bien, lui, que Madeleine n'avait pas été volée par Gabriel. Comme il franchissait le seuil de sa porte, sombre et si désespéré qu'il songeait à se donner la mort, il trouva un pli sur les dalles du vestibule. Ce pli venait de Saint-Martin-des-Bois et était ainsi libellé. « Vous attend au grand être de pierre-feu, Balao !»